FrenchPod.com. Tu as de la monnaie ? Tiens, j'ai une pièce de 2 euros. Il était vraiment bien, ce joueur de violon. Oh, regarde ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a même un micro. Oh non ! Il ne sait vraiment pas chanter ! Il y a encore 3 arrêts. Vite, changeons de wagon.